Lisa Vérin. On parle bien de la personne la plus joyeuse de la soirée. À moins que ce soit une véritable actrice, je peux pas y croire.